détresse. Ouais, y'a que détresse. Ouais, y'a que. Voilà, maintenant quand j'y parle, il rigole. Malade, il fait le vol, lui pigeonne. Lala, il fait le vol pour une folle. Lélé, on sait tout ce que tu m'étonnes, on te connaît. C'est un traître, il vole même sa famille, on le reconnaît pas. Il donne ses amis, il regrette même pas. Il se fait à l'envers, tu le vois même pas. Comme il fait du mal, je te raconte même pas. Pourquoi on est seul quand tout va mal? C'est pas grave, on s'en remet et ils sont où les mandats? Dans l'alcool, envolé, c'est wanted d'or et de platine. On s'emballe de ta life, tu vois pas que tu nous fatigues. Tu as trahi tout le monde, espèce de traître. Devant les gens, tu te montres, espèce de traître. Notre équipe, tu te montres, espèce de traître. Que Dieu, on va te faire redescendre, tu as trahi tout le monde. Traître, on l'a démasqué. Ce fils de pute m'appelle un masqué. Il peut t'espionner, même te traquer. Il fera tout pour te faire craquer. Moi j'ai envie de les niquer. Pas trahir, on s'était promis. Obligé d'en être brûlé. Même si on sait que c'est tout des comiques. Tu te voles, on s'est quitté. Tu te voles, on t'a pisté. Tu te voles, tu vas. Tu as trahi tout le monde, espèce de traître. Devant les gens, tu te montres, espèce de traître. Notre équipe, tu te montres, espèce de traître. Que Dieu, on va te faire redescendre. Tu as trahi tout le monde, espèce de traître. Devant les gens, tu te montres, espèce de traître. Notre équipe, tu te montres, espèce de traître. Que Dieu, on va te faire redescendre. Équipe du monde, on va te faire redescendre.